1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc débat sur le rigorisme kantien. Selon Kant, les impératifs catégoriques s'opposent aux impératifs hypothétiques. Selon un autre philosophe qui s'appelle Peggy, tout le monde s'en fout, et ben en fait Kant a les mains blanches et Kant n'a pas de main. Cela pour signifier le fait que. Cela pour signifier le fait que la morale kantienne est coupée de la réalité en fait. Parce que c'est impossible d'opérer un choix constant entre bien commun et intérêt particulier, empiriquement conditionné. Certes, qu'en pensez-vous, Timothée? Je trouve ça super intéressant, vraiment. Je t'en prie, continue, continue. Et puis en fait, par rapport au rigorisme kantien, je pense que nous en avons vu assez. Le cours va maintenant s'étendre sur une autre façon de voir les choses, qui est celle de Schopenhauer. Que pensez-vous de la vision de Schopenhauer? L'avez-vous apprise? Schopenhauer, c'est le petit frère de Chopin? Non, c'est le mec qui dit « Plus je vois les hommes, plus je préfère mon chien ». Aller en L, ils se prennent la tête sur des trucs qui servent à rien. Tant qu'ils sont allés en S, ben ils se prennent la tête sur des trucs qui servent. Mais tout le monde s'en fout. Et ceux qui sont allés en ES, ben en fait, ils croient avoir des débouchés, mais en fait, non. Maintenant, nous allons étudier une autre façon de voir les choses, qui est celle du déterminisme selon Spinoza. Qu'en pensez-vous? Spinoza, ça me dit vraiment quelque chose. Certes, en fait, Spinoza, dans les cadres du Vatican, c'est le nom de son bouquin, je crois. C'était l'endroit où il habitait. Non. En fait, il étudie, en fait, il prend un exemple qui est celui de l'Ascadio, qui se pose la question du déterminisme en jetant un mec d'un train. Ah oui, donc pour faire de la philo, faut balancer des mecs de train, c'est ça? Non, en fait, le truc, c'est qu'il voulait savoir s'il y avait des déterminismes, alors il était avec un mec dans le même compartiment, et il s'est dit, si dans, au bout d'un kilomètre, il n'y a pas eu de lumière, et de poteaux lumineux, et ben je vous balance du train. Non, je vous balance pas du train. S'il y en a une, au bout d'un kilomètre, à intervalles réguliers, et ben je vous balance du train. Et en fait, il se passe que finalement, et ben il y en a un et il le balance du train. Est-ce qu'on peut penser qu'il s'agissait d'un déterminisme ou d'un pur hasard? Est-ce que quel est le hasard selon vous? Le hasard, je dirais que c'est une différence de probabilité. Le hasard, selon Spinoza, c'est l'ignorance des déterminismes. En même temps, comme je ne sais pas ce que c'est un déterminisme, ça aide pas. Bah, c'est les choses qui sont préexistantes et auxquelles on ne peut pas échapper. C'est une sorte de fatalité, en fait. Comme par exemple, le fait de devoir faire ses devoirs quand ta mère se le dit. Ah oui. Alors, plus une forme de soumission, alors. Non, c'est plus, par exemple, quand si tu sors, t'as pas pris ton parapluie, il pleut. Forcément, tu vas te prendre la pluie sur la gueule, c'est indéterminé. En réalité, il faut toujours prendre son parapluie avant de partir. Bah, le truc, c'est que s'il y a pas de pluie, t'as l'air d'un con. Merci, Nicolas.